Ce qui est le plus surprenant dans l'expérience de conscientisation de l'homme, c'est que quelle que soit son assomption, elle est toujours fausse. Elle est toujours fausse parce qu'elle est toujours en fonction de l'écho dans sa tête. Faut qu'elle t'assume n'importe quoi, c'est toujours faux. C'est pour ça d'ailleurs que les déblocages entre l'ego ou la fusion de l'homme ne se vit jamais comme l'homme pense que ça va se vivre. Ce n'est jamais. Ce qui est cosmique, c'est jamais ce que l'homme, ou ça va jamais se faire comme l'homme pense. Parce que la façon dont l'homme pense, c'est toujours en fonction de l'écho dans son cerveau. C'est une game qu'on joue avec lui. C'est dans le temps que l'homme découvre comment est-ce que je joue à game. C'est pour ça que c'est dans le temps. C'est dans le temps que vous allez voir que la position que vous aviez dans le passé est totalement autre, est totalement différente. Votre vision est totalement autre de ce que vous aviez pensé ou préconçu que ce serait. C'est ça la différence entre l'interprétation subjective qui vient du jeu des échos dans notre cerveau. Puis ça prend un certain temps avant qu'il n'y en ait plus d'échos. Parce qu'il y en a, il y en a du jus dans cette affaire-là. Fait que ça prend un certain temps pour que ça disparaisse tout ça, les échos. Complètement. Puis là, rendu à ce point-là, quand tu n'as plus d'écho pantoute, là, tu peux regarder 100 ans, 200 ans, tu peux regarder dans les yeux de quelqu'un, tu peux regarder n'importe où, sur le physique ou dans l'éther, tu peux savoir exactement ce qui se passe. Personne ne peut te mentir sur aucun plan. Tu es dans ton intelligence. Tu es intelligence sur le plan matériel. Il y a fusion. À ce moment-là, tu peux travailler et tu peux construire. Mais tant que tu peux te faire jouer un tour, c'est parce qu'il y a encore de ça. Tant que tu regardes en arrière et tu dis « Ah, oh, je n'avais pas pensé que c'était de même », c'est parce que dans ce temps-là, il y avait encore de ça. Fait que si dans 6 mois, vous vous retournez en arrière puis vous regardez que c'était de même puis ça n'a pas été de même, c'est parce qu'il y avait en vous de l'écho. Puis mon expérience m'a prouvé que ça prend un bon bout de temps avant que tu puisses voir, comprendre et savoir les intentions de l'intelligence à travers ton écho. Parce qu'à ce moment-là, tu tombes dans le pouvoir de l'intelligence. Puis pour que tu tombes dans le pouvoir de l'intelligence, il ne faut plus qu'il y ait d'écho dans ton cerveau. Autrement dit, il ne faut plus qu'il y ait d'astralité, il ne faut plus qu'il y ait de subjectivité, il ne faut plus qu'il y ait de pensée subjective, il ne faut plus qu'il y ait d'orgueil, il faut que ce soit vide. Vide. Puis vide. Parce qu'un jour, l'homme aura besoin du discernement. Puis c'est quelque chose, le discernement. Vous commencez à savoir qu'est-ce que c'est le discernement. C'est toute une partie de football, le discernement. Moins il y a d'écho dans votre cerveau, plus vous avez de discernement. C'est quelque chose, le discernement. Puis moi, je dis aujourd'hui que le discernement, c'est la dernière des qualités de l'esprit de l'humanité. La dernière. C'est la dernière. Il n'y a plus rien après le discernement. Après le discernement, on va vous dire qu'il y a quelque chose. C'est le pouvoir. Fait qu'à l'intérieur du pouvoir, il n'y a plus rien. Alors, la dernière étape de l'homme, c'est le discernement pour éliminer les échos dans son cerveau. Puis après le discernement, c'est le pouvoir sur la terre. Fait que, si vous voulez savoir si vous n'avez plus longtemps à développer du discernement, mais calculez jusqu'à quel point vous avez du pouvoir. Fait que ça vous donne une mesure. Que du discernement, vous n'avez pas gros. Que vous êtes en voie de développer. Parce qu'après le discernement sur la terre, c'est le pouvoir sur la terre. Le pouvoir, c'est la volonté. Le pouvoir, c'est la descente de l'énergie de l'intelligence sur la terre, c'est-à-dire l'activation de cette intelligence, c'est-à-dire la volonté cosmique. Parce que pour que l'homme ait le pouvoir sur la terre, il faut qu'il ait passé la phase du discernement. Sans ça, il fera tout sauter. Imagine-toi un homme qui a le pouvoir sur la terre, le pouvoir de l'énergie sur la terre, puis qu'il n'y a pas de discernement. Ça finit par... Il détruit la civilisation éventuellement. Il passe ça à ses fils. La même chose que tu sais, après quelques siècles, sa destruction, sa magie noire. Ils permettront à Amazon. C'est sacrément. Ouais. Il y en a assez eu de ça. Le discernement sur la terre, c'est la dernière des qualités de l'homme. Et après ça, mais ça sera le descente. Ça sera la descente du pouvoir. Fait qu'en attendant, nous autres, les hommes, on va vers le discernement et on va vers le discernement au fur et à mesure que l'écho dans le cerveau disparaît. C'est l'écho dans le cerveau. Le discernement, c'est proportionnel à la destruction de l'écho dans le cerveau. Puis quand tu commences à avoir le cerveau gelé, là, que l'écho diminue, là, puis que tu commences à être au-dessus de la dualité, là, là, tu commences à comprendre qu'est-ce que c'est le discernement. Puis plus tard, tu l'appliques. Faut que tu commences à le comprendre d'abord. Puis ensuite, tu l'appliques. Puis comment est-ce qu'ils vont te le faire comprendre? Ils vont te faire agir, ça va créer des chocs. Ils vont te faire agir, ça va créer des chocs. Puis un jour, ils pourront plus te faire agir pour créer des chocs. Tu auras le discernement. Parce que tant qu'ils peuvent te faire agir pour créer des chocs, pour t'aider le discernement, t'es encore sous l'emprise de l'énergie. Puis un jour, l'homme doit contrôler cette énergie-là. On n'est pas pour être des tétés et des robots toute notre vie. Faut que l'homme en arrive à contrôler cette énergie-là. Ah, quand il en arrive à contrôler cette énergie-là, il est discernement, l'homme. Ah, s'il donne un choc, le choc est nécessaire, il est bon, il est dirigé en ligne droite. S'il n'est pas encore dans son discernement, le choc, il est bon et il est nécessaire, mais il va créer des curves, il va créer de la souffrance. Et s'il crée la souffrance, l'homme grandit et ceux qui reçoivent le choc grandissent avec ou ils partent ou ils craquent. Il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est le travail des ajusteurs de pensée. C'est le produit de la relation entre l'ajusteur de pensée et l'homme. Le phénomène de l'écho, tel que je l'explique dans le cerveau de l'homme, l'explication, elle est pratique. Parce qu'elle donne à l'homme une vue d'ensemble de son activité psychologique. Et elle permet à l'homme instantanément de réaliser l'écho dans son cerveau, aussitôt qu'il y a de l'activité psychologique. Et ceci permet à l'homme de commencer à regarder ce qui se passe dans sa tête, à entendre ce qui se passe dans sa tête, à séparer ce qui se passe dans sa tête, à se séparer de ce qui se passe dans sa tête, ainsi de suite. C'est ça qui amène petit à petit la création du vide. C'est ça le vide. Le vide plein. Puis c'est eux autres qui te le permettent. Tu ne peux pas te vider par toi-même. Tu peux avoir l'impression de le vider par toi-même, mais ça, ça fait partie des échos dans ton cerveau. C'est eux autres qui te vident. Puis laisse-moi te dire, Charlie, quand ils te vident, ils te vident. Puis quand même, tu ne voudras pas être vidé, ils vont te vider pareil. Fait que là, tu commences à comprendre qu'est-ce que c'est le vide, tu commences à sentir qu'est-ce que c'est l'énergie. Il faut que tu en arrives un jour à la contrôler, cette énergie-là, pour recouvrir ta personnalité humaine, mais une personnalité humaine qui est voilée. Une personnalité humaine qui joue constamment un jeu dans le monde, qui crée constamment des impressions dans le monde, pour toujours cacher le pouvoir de cette énergie-là, pour que les hommes puissent bénéficier de ta parole, au lieu de subir constamment des chocs provenant de ton énergie que toi, tu ne peux pas contrôler. Et ceux qui vivront cette expérience-là du vide, ceux qui vivront cette pénétration-là de l'énergie dans le mental, qui élimine les échos, devront apprendre rapidement à contrôler cette énergie-là. Sans ça, vous pouvez démolir tout ce qui est autour de vous et créer énormément de souffrance dans votre entourage. Parce que ça fait encore partie des échos dans ton cerveau. C'est pour ça que j'ai donné un point de référence extrêmement utile une fois, quand j'ai dit, si tu crées de la souffrance à quelqu'un, si tu crées de la peine à quelqu'un à cause de ton état mental, un jour, tu vas être obligé de corriger ceci, contrôler cette énergie-là pour ne pas créer de peine à personne à cause de ton état mental. À ce moment-là, tu bénéficieras de ton énergie et tu garderas ceux que tu aimes. Mais si tu te fais prendre dans le jus de ton énergie, tu peux te séparer, tu vas créer des chocs suffisamment forts pour que tes amis t'éloignent, pour qu'il y ait de la peine. Mais à ce moment-là, tu restes seul. Et toi-même, tu souffres de ton action et tu te fais prendre dans le jeu de l'écho. C'est subtil. C'est mauditement subtil. C'est tellement subtil. Je vais vous expliquer comment est-ce que c'est subtil. Moi, je l'ai vécu, ça, après 7 ans d'initiation avec ma femme. Puis un jour, ma femme me dit, « Bon, mais décide-toi! » Parce que là, elle était rendue forte, elle était rendue centrée quand tu vas me parler dans l'œil, Charlie, tu me regardes dans l'œil. Ça fait un petit pitou. Elle dit, « Décide-toi, c'est soit eux autres ou moi. » Fait que « Make up your fucking mind! » Fait que là, je m'y révisé. Parce que quand t'es fusionné, chose, t'es encore plus gelé que quand t'es gelé, pas fusionné. Quand t'es fusionné, t'es gelé en sacrement. Fait que là, je l'ai cassé à glace. Là, je t'ai fait une de ces crises de colère, là, que la maison aurait pu fondre. Puis j'ai dit, mes sacrements, jamais je ferai souffrir ma femme pour vous autres. Fait que organisez-vous le cul pour que ça se tasse. Ça m'a pris 3 mois pour être capable de ne pas faire souffrir ma femme. Ça se vend pour toi. Ça m'a pris, moi, j'étais une maudite volonté de chien. Ça m'a pris 3 mois après ma décision de ne pas être capable de faire souffrir ma femme. Ou d'être capable de ne pas faire souffrir ma femme. 3 mois! Puis j'ai dit à ma femme, j'ai dit, ça va prendre 3 mois, là, avant que je puisse la contrôler, cette énergie-là, là, pour que toi, tu souffres plus, que t'en aies plus de choc. Elle a attendu 3 mois, puis après ça, c'est fini. Aujourd'hui, elle a une vie superbe. Mais 3 mois! Fait que cette énergie-là, si jamais vous l'avez, faites-vous pas prendre dans la game. Vous êtes mieux d'écouter ce que je vous dis, parce que des porte-paroles sur le plan matériel, il n'y en a pas gros. Fait qu'écoutez bien ce que je vous dis. Vous allez voir que je me trompe pas gros. Je me trompe pas gros. Je me trompe tellement pas gros que je me trompe pas. Quand je vous dis, faut que l'homme en arrive un jour, surtout quand il est dans cette énergie-là, de réaliser l'importance de la contrôler et de ne pas faire souffrir ses enfants, ses amis, sa femme, son mari, ceux qui sont près de lui. Bien important, parce qu'elle est forte. Puis ça, c'est une illusion. C'est une illusion cosmique créée dans l'homme pour éliminer complètement les échos. Quand tu as passé à travers ça, Charlie, tu connais la game de l'esprit, tu connais le jeu de l'esprit, tu es dans ton intelligence, tu es intelligence, puis tu fonctionnes tout le temps intelligemment, puis quand tu vis avec les hommes, puis tu travailles avec les hommes, tu réalises une chose, qu'il n'y a rien qu'une chose sur une planète qui a de l'importance dans la vie d'un homme, ce sont les autres hommes. Pas les ajusteurs de pensée. Parce que si vous tombez encore dans l'amour des ajusteurs de pensée et toutes vos crises de conneries, vous allez encore être dans le jeu de l'écho dans votre cerveau. Eux autres sont prépersonnels, ces êtres-là. Ils sont en dehors de la forme humaine, sont prépersonnels, ils sont énergie, ils doivent fusionner avec l'homme, leur énergie doit descendre sur la Terre pour qu'il y ait conscience cosmique sur la Terre. C'est ça leur job. Fait que tout le reste, là, tout ce qui provient de vos habitudes, votre mémoire, vos sentiments, tout ce qui est de l'écho dans votre cerveau, ils vont vous amener à le raffiner, puis le raffiner, puis le raffiner. Moi, je vous donne un shortcut. Puis il n'y a pas un homme sans tête qui peut vous donner un shortcut comme moi. Je vous donne un shortcut, puis c'est de même que ça marche. Écoutez-moi ou écoutez-moi pas, c'est même que ça marche anyway. Fait qu'un jour, quand vous aurez compris ça, vous pourrez contrôler ça, cette énergie-là, quand ça descendra. Puis à ce moment-là, vous comprendrez autre chose que je vous expliquerai après. On va souper. C'est bon. Comment, dans la troisième section, comment l'homme passe-t-il du stage du psychologisme au stage du psychisme? Comment l'homme passe-t-il du stage de l'impression créée dans son mental par les échos au stage de l'action créative qui est le produit de l'action impulsive de l'énergie universelle sur son cerveau? L'homme est habitué, au cours de l'évolution, à se servir d'un mécanisme pour produire sur le plan matériel une action quelconque. Et ce mécanisme-là, on l'appelle le mécanisme de l'intention. Les gens ou les hommes se créent des intentions. Intention de faire ceci ou intention de faire cela. Et les intentions sont le produit de l'activité plus ou moins rapide, plus ou moins grande, des échos qui se créent dans le cerveau de l'homme et qui sont le produit en lui de l'activité astrale. De sorte que les intentions que se crée l'homme ou que semble se créer l'homme ne sont pas le produit de son intelligence, mais sont le produit de l'activité de l'écho ou des échos dans son cerveau qui sont aussi le résultat de l'activité intelligente astrale filtrée à travers son plan mental inférieur, à travers le mécanisme de la pensée subjective. L'homme a toujours cru à l'intention. L'homme a toujours composé la vie avec l'intention. L'homme a forgé sa civilisation avec l'intention. De sorte que les intentions sont réellement les points de référence que nous retrouvons sur le tableau de l'histoire et reflètent la manipulation astrale chez l'humanité pendant des millénaires et des siècles, et reflète aussi le travail fait dans la matière par l'astral à travers une unité pensante qu'on appelle l'homme, selon un modèle d'évolution qui convient à l'astral, mais non un modèle d'évolution qui convient à l'intelligence pure. Autrement dit, ce que je veux dire, si l'homme aujourd'hui sur la Terre, instantanément, perdait l'écho dans son cerveau, n'avait aucune connexion astrale, la civilisation terrestre telle que nous la connaissons s'effondrerait instantanément. Elle s'effondrerait instantanément parce que l'intention de l'homme, telle qu'il est aujourd'hui et telle qu'il maintient, telle qu'il lui permet de maintenir la civilisation dans sa forme présente, serait retourné contre la forme, c'est-à-dire retourné contre l'astral, c'est-à-dire retourné dans ses mécanismes fonciers, mécanismes qui vont de l'astral vers l'homme et non de la lumière vers l'homme. Ce qui va créer le grand choc, ce qui va créer la séparation des races à la fin du cycle, c'est justement ceci, c'est que l'homme de la sixième race n'aura pas d'intention. L'homme de la sixième race vivra d'une intelligence réelle, d'une intelligence créative et d'une intelligence qui n'aura pas besoin d'avoir le support des échos dans le cerveau de l'homme, autrement dit, d'une intelligence qui ne sera pas supportée essentiellement à son origine par des intelligences qui sont en dehors de la lumière. Alors, les activités de l'homme, les activités de la sixième race, les activités du sur-homme seront des activités perpétrées par l'intelligence à travers le cerveau humain, libre d'écho, et ces activités coïncideront avec ce qu'on appelle la lumière ou l'intelligence de la lumière, et ces activités ne pourront plus être déchues, c'est-à-dire ne pourront plus retarder l'évolution de la race humaine. Sur le plan individuel, l'homme doit s'habituer à vivre sans avoir besoin d'intention pour vivre. Mais ceci n'est pas facile parce que l'homme pense. Et les intentions de l'homme sont manufacturées à travers un système conventionnel qu'on appelle la pensée subjective contemporaine. Et c'est lorsque l'homme apprend ou réalise l'importance de vivre sans questionner son action, son activité, qu'il commence à comprendre la nature de l'intention en lui. Je vous donne un exemple. Moi, je suis ici, j'ai la main sur le comptoir, j'ai une main dans ma poche, puis je vous parle. Il n'y a aucun écho dans mon cerveau, il n'y a rien dans mon cerveau, il n'y a aucune activité dans mon cerveau qui peut changer cette position physique. Il n'y a pas de volonté subjective qui puisse changer cette position physique. Autrement dit, si je voudrais enlever ma main de là, il faudrait que l'énergie me la fasse enlever, la main de là. Je ne peux pas avoir d'intention d'enlever ma main de là. Ma main est là. La position de mon corps, c'est la position qui m'est donnée par l'énergie. Et l'homme, un jour, doit en arriver à fonctionner d'une façon aussi réelle. L'homme doit un jour en arriver à vivre d'une façon aussi étanche avec son énergie. Si l'homme ne comprend pas la nature de l'énergie, c'est parce qu'il a toujours de l'intention dans son cerveau. Il y a toujours une intention qui se manifeste. Et cette intention-là, elle est toujours le produit de l'écho en lui. Et comme l'homme vit d'intention, il perd de l'énergie. Comme là, ma main, elle glisse sur le comptoir. Elle glisse pas parce que je veux qu'elle glisse. Elle glisse pour relaxer l'énergie dans ma main. Elle m'enlève de la fatigue. Et si l'homme suivait comme ça son corps en fonction de l'énergie de son esprit, l'homme ne perdrait pas d'énergie. Et si vous saviez jusqu'à quel point l'homme perd de l'énergie, vous seriez surpris. L'homme perdant de l'énergie constamment pendant sa vie, c'est normal que rendu à 65, 70 ans, 80 ans, il n'y en ait plus. Et les gens vont dire, ben oui, mais l'énergie, ça se renouvelle constamment. Ce n'est pas que l'énergie ne se renouvelle pas constamment, mais les organes de l'homme, éventuellement, s'épuisent. Et quand les organes de l'homme s'épuisent, ils ne peuvent plus accumuler l'énergie comme ils le faisaient quand ils étaient jeunes. De là, la vieillesse, la mort. C'est pas l'énergie qui est limitée. L'énergie est illimitée. Mais si les organes ne peuvent plus servir d'accumulateur à l'énergie, éventuellement, les organes font en sorte que l'homme doit vieillir, l'homme doit mourir. Et pour que l'homme perde cette mauvaise habitude de perdre de l'énergie constamment, il faut qu'il s'habitue à vivre sa vie matérielle en fonction de l'énergie. Mais pour qu'il le fasse, il faut qu'il n'y ait pas d'intention en lui. C'est-à-dire que faut que l'activité cérébrale, l'activité à l'intérieur de la caverne, diminue et diminue et diminue et diminue pour qu'elle soit remplacée par l'énergie créative qui, à ce moment-là, programme l'homme matériellement, physiquement, émotivement et mentalement. Et quand l'homme est programmé par l'énergie de l'intelligence, à ce moment-là, il ne perd plus d'énergie. Il a toujours l'énergie suffisante pour faire ce qu'il a à faire et il n'en perd plus. Et à ce moment-là, le processus de vieillissement retarde éventuellement l'augmentation de la conscience dans l'homme fait en sorte qu'un jour, il est capable de vivre la dissociation de son corps physique et de son corps éthérique pour rentrer dans l'éther. Mais l'homme ne peut pas entrer dans l'éther. L'homme ne peut pas vivre la dissociation du corps éthérique et du corps physique sans que ses organes se soient habitués au rythme de contrôle de l'énergie universel en lui. Sans ça, il perd conscience. Il tombe à terre. Aller dans les terres, c'est pas comme aller en astral. L'écho dans le cerveau de l'homme est extrêmement complexe. Elle est multiple dans sa façon. Et elle est complexe parce qu'elle se manifeste de toutes les façons et de toutes les formes. Et aussitôt qu'elle est dans le cerveau de l'homme, il faut que l'homme en prenne conscience. Et quand il en prend conscience, à ce moment-là, il commence à la corriger, et à la corriger, et à la corriger. Il y a des gens qui me demandent des fois, mais pourquoi l'homme est-il obligé de souffrir pour devenir conscient? C'est pas que l'homme est obligé de souffrir pour devenir conscient. C'est que la condition de l'homme nécessite qu'il souffre pour devenir conscient. L'homme a trop d'écho en lui. L'énergie ne peut pas passer. L'énergie de l'intelligence ne peut pas passer en lui. Il y a trop d'écho. À moins que l'homme fusionne. Puis encore, il faut qu'il souffre. Il faut ajuster les corps. Mais les gens ont tellement d'activités ici que l'énergie est incapable de programmer l'être humain. L'énergie est incapable de programmer ce qu'il devrait savoir. Il est intéressé à tout ça d'affaires. Il y a tout ça de curiosité dans sa tête. Il y a tout ça de mouvement dans sa tête. L'énergie n'est pas capable de contrôler son émotivité. L'énergie n'est pas capable de contrôler sa vitalité à cause de l'émotivité. L'homme a tellement d'émotivité, a tellement d'enthousiasme qu'il fait des sports qui fatiguent ses organes. Des sports qui sont le reflet encore de son ego, qui sont encore le reflet de la condition sociale. Tout le monde fait du sport. Oui, tu t'appelles Pit. Pit, il faut qu'il fasse du sport. Tout le monde jog, il faut que tu jogues. Si tu ne jogues pas au bureau, ils vont dire que c'est, tu es malade. D'autres ont jog. Alors, l'homme est incapable de vivre sa vie malgré. C'est pas tous les gens qui peuvent faire du jogging. Les médecins commencent à réaliser ça, là. Il y a des gens qui peuvent faire du jogging, puis il y a des gens qui ne peuvent pas faire du jogging. Ils ne sont pas constitués pour faire du jogging. Ils n'ont pas un rythme cardiaque qui leur permet de faire du jogging. C'est pas tous les gens qui peuvent jouer au tennis. Et ainsi de suite. Alors, les gens sont tellement prisonniers de l'opinion sociale qu'éventuellement, ils sont incapables de laisser l'énergie programmer leur activité mentale, émotionnelle, vitale et physique. Et si tu commences à parler de programmation à un être humain, il va sauter, le gars. Et effectivement, l'énergie universelle programme l'homme dans ce sens qu'elle lui trace un programme de vie. Et si l'homme ne fait pas interférence avec cette énergie-là, il est totalement en harmonie avec ce programme de vie. Et étant en harmonie avec ce programme de vie, l'homme vit une vie très longue. L'homme éventuellement en arrive à avoir une conscience qui est multidimensionnelle au lieu d'avoir une conscience qui est purement matérielle. Mais pour que ceci se fasse, il faut que, que l'énergie de l'intelligence puisse se faire sentir suffisamment chez l'homme pour que les intentions disparaissent. Et il faut que les intentions disparaissent de la conscience humaine. Et on est habitué à fonctionner en fonction des intentions. On n'est pas capable de s'imaginer. Il y a des gens qui pensent que je suis un robot. Je ne suis pas un robot. C'est difficile pour nous autres de s'imaginer. Puis au début, quand on avance vers la fusion, on le souffre, ça. On trouve ça difficile. On se trouve pas comme les autres. On ne peut pas être comme les autres. L'homme peut pas, l'homme qui se conscientise ne peut pas être comme les autres, c'est impossible. C'est normal de ne pas être comme les autres. Mais aussitôt que l'homme ne se sent pas comme les autres, là, il commence à s'inquiéter. Et il commence à se chercher des raisons pour contrebalancer ça. Et là, automatiquement, il se crée du mal. Il y a des gens sur la Terre, dans différents pays, qui ne sont pas comme les autres. Il y a des individus sur la Terre qui ne sont pas comme les autres. Ils n'ont pas le même écho dans le cerveau. Ils n'ont pas la même astralité. Ils sont moins astrales que le reste de l'humanité. Il y a des hommes qui n'ont presque pas d'astralité dans leur cerveau, qui sont en contact avec leur intelligence depuis qu'ils sont jeunes. Mais il y a toujours encore un petit peu d'écho dans le cerveau, de sorte qu'ils ne sont pas sûrs s'ils sont bien corrects, mais non, s'ils ne sont pas corrects pantoute. Et c'est très important pour les hommes à la fin du 20e siècle, dans différents pays du monde, de comprendre et de réaliser que si tu n'es pas comme les autres, c'est normal que tu ne sois pas comme les autres. Fait qu'essaye pas d'être comme les autres. Mais l'homme n'est pas capable de supporter ça. C'est dur pour l'homme de pas être comme les autres. Et quand pas comme les autres, ça devient très, très, presque physique, presque psychologique, presque... matière de comportement, comme dans le cas de l'homosexualité, c'est encore plus difficile. Parce que tout le monde te regarde. T'es pas comme les autres. Et l'individu n'a pas à être comme les autres. C'est normal de pas être comme les autres. Et un individu qui commence à réaliser ça, que c'est normal qu'il soit pas comme les autres, il commence petit à petit à détruire en lui le fameux mécanisme de l'intention, parce que c'est l'intention qui nous mène par le bout du nez. Parce que l'intention est toujours recouverte d'une couche de conscience sociale. Dans l'intention de l'individu, il y a toujours du social, et dans l'intention de l'individu, il y a toujours une perte de conscience. Bien que l'intention de l'individu puisse apparaître chez lui comme étant de la conscience individuelle. Mais ce n'est pas de la conscience individuelle. c'est de la conscience personnelle. À l'échelle de l'écho dans son mental, dans son cerveau, à l'échelle de sa mémoire, de ses expériences passées, à l'échelle de sa conscience expérimentale, mais jamais à l'échelle de son intelligence. Voir si un homme a besoin d'intention dans la vie pour vivre. Ce qui fait que l'homme est coupé de sa propre énergie, c'est justement parce qu'il a développé au cours des siècles le fameux mécanisme de l'intention qui est devenu éventuellement la façon chez lui de rationaliser tous les aspects de son comportement psychologique, ce qui a amené éventuellement le développement d'une psychologie humaine de plus en plus perfectionnée, de sorte qu'aujourd'hui, l'homme moderne a une psychologie moderne tellement perfectionnée qu'elle est en train d'étouffer complètement son intelligence et le réduire à être un robot. Mais non pas un robot de l'intelligence, non pas un être programmé par l'intelligence, mais un être programmé parfaitement par l'astral. Et l'homme ne le sait pas pantoute, et il ne le réalise pas pantoute. Fait que la grande crainte qu'ont les gens, ou qu'ont certaines personnes quand ils me rencontrent, moi, que je suis ou que je puisse être un robot, ou qui ont peur de devenir éventuellement robotisé, cette crainte qu'ils ont, déjà, ils la vivent à leur insu. C'est l'homme qui est robotisé. C'est l'homme qui est programmé à son insu à travers le mécanisme des intentions pour permettre que se manifeste sur le plan matériel, à travers ses actions, une certaine conscience inférieure qu'on appelle la conscience astrale. Le mécanisme de l'intention chez l'homme, il est forgé. Siècle après siècle, selon la nature psychologique de l'individu à l'intérieur d'une société, à l'intérieur de l'histoire ou de la société contemporaine. Mais un jour, l'homme devra sortir de l'histoire. L'homme, un jour, devra sortir complètement du tableau de l'histoire et ne plus être affecté, contaminé par l'histoire. Parce que qu'est-ce qu'elle a fait, l'histoire? Elle a simplement continué sur le plan matériel le jeu, le drame de l'astral contre l'homme. Pendant des millénaires, c'est ça l'histoire. Regardez l'histoire. Qu'est-ce que vous avez dans l'histoire? Vous avez de la guerre, vous avez de la maladie, vous avez des arts, des cultures, vous avez de la division entre les nations, entre les peuples, la séparation entre les hommes, l'hégémonie du pouvoir contre l'homme, la pyramide sociale contre l'homme. Mais l'homme de la sixième race, l'homme de demain, ne pourra pas vivre de l'histoire. Parce que l'homme de demain va construire instantanément dans son présent une vie qui ne pourra pas être confondue avec le passé. De sorte que demain, l'histoire de l'humanité, ça n'aura plus aucune importance pour l'individu. Pourquoi? Parce que l'individu n'aura plus dans son cerveau suffisamment d'énergie pour interpréter l'histoire et corriger son action personnelle en fonction de l'action historique. Comme le font, par exemple, les révolutionnaires, les anarchistes, les gens qui veulent changer le système. L'homme ne change pas le système. Il transforme le système. Il ne change pas le système. Parce que le système est toujours plus fort que l'homme, parce que le système contient toujours plus de mémoire que l'individu. Parce que le système contient la mémoire dans chaque individu. C'est pour ça que l'homme ne pourra jamais changer la société par la violence, par les armes. L'homme va créer une nouvelle société en lui, après que lui soit devenu autre, après que lui ait perdu la notion de l'intention. Et c'est l'intention aujourd'hui qui crée, qui fait marcher les rouages de la société. Mais dans l'intention, il n'y a pas d'intelligence réelle. Il y a de l'intelligence, mais ce n'est pas de l'intelligence réelle. parce que ce n'est pas normal pour l'homme de travailler. Si l'homme travaille aujourd'hui dans le monde, c'est parce que l'homme appartient à une catégorie d'êtres qui ne possèdent pas d'intelligence créative et qui sont obligés d'utiliser le produit d'autres intelligences inconscientes, manipulées par l'astral pour maintenir l'homme sous la domination de la forme, lorsque l'homme, en fait, devrait être un être capable de sortir dans des mondes parallèles, dans son propre esprit, créer des formes et instruire les races subalternes pour que cette forme continue sur un plan d'évolution inférieur à lui. Quand je dis que l'homme n'est pas marqué, l'homme de demain, l'homme n'est pas marqué pour vivre dans la matière, moi je sais ce que je veux dire. L'homme n'est pas marqué pour vivre dans la matière. Il viendra un jour où les hommes sur la terre le réaliseront individuellement, individu par individu. L'homme n'est pas marqué pour la terre. L'homme est marqué pour créer dans les terres des formes qui aideront à créer sur la terre de l'abondance, pour que l'homme sur la terre n'ait pas à travailler, pour que des machines travaillent pour lui, pour que lui soit libre d'être dans les terres et créer ses formes pour la terre. On vit à l'envers. C'est pour ça que si tu demandes à un homme, t'aimes-tu ta job, vous dites oui, ça marche. Mais demande à l'homme après 2 ans, 3 ans, puis 4 ans, puis 5 ans d'initiation solaire ou de transformation de 5 heures, s'il aime ça travailler, il va dire non, moins qu'avant. Puis moi, j'en connais parmi vous autres qui ont des beaux métiers, qui ont des belles situations de vie, des belles situations de travail, puis qui commencent déjà à être écœurés. J'en connais parmi vous autres. Quand tu commences à te faire piquer par l'abeille, c'est là que tu commences à sentir le miel. Une drôle de métaphore, mais c'est celle-là que je veux dire. L'abeille, c'est eux autres. Le miel, c'est ce que tu vois, ce que tu sens de ce qui devrait être demain. Puis il n'y a pas un homme conscient qui veut travailler la terre. C'est une insulte à l'intelligence cosmique de l'homme de travailler. C'est une condition astrale imposée à l'humanité pour la domination astrale de l'homme dans la matière, le travail. Avant la période adamique, l'homme ne travaillait pas. Mais quand on parle de ça dans une société ou dans un temps tel que le nôtre aujourd'hui, tu peux pas parler de ça en public, hein? On dit que c'est un crise de fou. Parce qu'on parle pour des années, dans des années à venir. 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. L'homme va vers ça, l'homme va vers ça. Mais pourquoi est-ce que je parle de ça aujourd'hui? Pour faire réaliser à l'homme que viendra un temps, dans un temps suffisamment proche, où l'homme ne sera plus intéressé à travailler. Puis il y en a qui commencent à être déjà piqués vers ça. Mais il ne vous sera pas permis encore d'arrêter de travailler parce que vous n'êtes pas encore suffisamment organisé. Quand vous serez organisé, vous n'aurez plus besoin de travailler. Mais vous n'êtes pas organisé. Pour ne pas travailler. Pourquoi vous n'êtes pas organisé pour ne pas travailler? Parce que vous n'êtes pas capable de vous organiser. Pourquoi vous n'êtes pas capable de vous organiser? Parce que vous n'êtes pas assez intelligent. Pourquoi vous n'êtes pas assez intelligent? Parce que ce n'est pas le temps. Faites en aller à travailler. Quand vous serez assez intelligent, vous organiserez. Mais vous ne pouvez pas vous organiser avant d'être intelligent. L'intelligence, ça vient au fur et à mesure qu'elle rentre, puis qu'elle sort de votre cerveau les interférences, les échos. Qu'elle fasse disparaître de votre esprit l'idée de. Quand vous n'aurez plus d'idées, vous commencerez à avoir des. Vous commencerez à être créatif. Tant que tu as l'idée, tu ne peux pas être créatif. Bien, vas-y. Parce que l'idée, c'est le pénis de l'ego. Celle-là, elle l'aime. Il se fout le nez partout. C'est dur pour un ego de comprendre ça. Tant qu'il l'a, cette pointe-là. C'est pour ça que dans la transformation de l'homme, il vient une période où, quand on perd de notre astralité, on commence à se sentir drôle, On se sent pas comme les autres. Les autres nous regardent croche. T'es à peindre, t'es plus capable de peindre pantoute. Tu bâtissais, t'es plus capable de bâtir. T'es avocat, t'es plus intéressé au droit. Tu sais, t'es plus intéressé. Puis là, tu paniques. Qu'est-ce que m'a fait? Ta belle-mère, elle va dire, maman, mais qu'est-ce que tu fais? T'es-tu après à capoter? Puis tu capotes pas. C'est que tu deviens plus intelligent, mais par un autre chemin. Puis elle, elle le voit pas. Perdre l'intention, c'est très difficile pour l'homme qui se conscientise. Et ceux qui la perdront, l'intention, comprendront ce que je veux dire, mais au moins ils auront compris ce que j'aurais dit sur ça, de sorte qu'ils se comprennent, ils se réaliseront comme étant normal et non anormal. Ils se compareront plus aux autres qui ont de l'intention. C'est pas facile de perdre l'intention. Puis si ça fait partie de votre plan de vie d'un jour de devenir intelligent ou de rentrer dans l'intelligence, je vous garantis que vous allez perdre l'intention dans votre vie. Vous n'aurez plus d'intention. Quand vous allez commencer à perdre l'intention, mais là, va commencer à s'ouvrir devant vous votre plan de vie neuf, votre destinée, ce que vous êtes supposé de faire, ce que vous devez faire, pas ce que vous devriez faire, ce que vous devez faire. Et ce que vous devez faire, ça coïncide avec votre intelligence, pas avec votre ego, puis pas avec votre intention. Ils vont servir de l'intention un petit peu pour vous créer des formes, pour vous faire grouiller un peu, mais un jour, vous allez voir que vous allez être totalement programmé, vous n'aurez plus d'intention, et que ce que vous ferez, ça coïncidera parfaitement avec un plan qui est mondial et universel, puis ça vous amènera aux confins de la Terre. Pourquoi est-ce que je ne parle pas de l'avenir? Pour vous effrayer. Si je vous parlerais de l'avenir, ça vous énerverait. Là, vous commencez à penser, ah ben, faut que je lâche ma job, faut que je vende mon business, faut que je vende ma maison. C'est pour ça que je ne vous parle pas de l'avenir.